Chapitre 41. L'interdiction de la désobéissance et de l'ingratitude envers les parents et de la rupture des liens du sang. Allah Ta'ala dit: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Ce sont ceux-là qu'Allah maudit, a rendu sourd et aveugle. Sourate 47, versets 22-23. Mais ceux qui violent leur pacte avec Allah après l'avoir engagé et rompent ce qu'Allah a commandé d'unir et commettent le désordre sur terre auront la malédiction et la mauvaise demeure. Sourate 13, verset 25. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux, ou tous deux, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « fi » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous de miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. » Sourate 17, versets 23-24. 336. D'après Abu Bakr Nufay' ibn al-Harith, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, demanda à trois reprises « Voulez-vous que je vous dise quels sont les plus grands péchés ?»« Oui, ô messager d'Allah, » répondirent les compagnons. Il, alayhi salatu wassalam, dit « L'ishraq, le polythéisme, et la désobéissance aux parents. » Il se mit alors assis, alors qu'il était accoudé, et ajouta « Et puis le mensonge et le faux témoignage. » Puis il ne cessa de le répéter au point que nous nous dîmes, si seulement il se taisait. Al-Bukhari et Muslim. 337. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Voici les péchés majeurs, le polythéisme, la désobéissance aux parents, le meurtre et le faux serment. » Al-Bukhari. 338. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Parmi les péchés majeurs, il y a le fait d'insulter ses parents. » On demanda « Ô messager d'Allah, comment un homme peut-il insulter ses propres parents ?» Le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit « En insultant le père d'un homme qui, à son tour, insulte son père. » Ou en insultant la mère d'un homme qui, à son tour, insulte sa mère. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Maudire ses parents fait partie des plus grands péchés. » On s'exclama « Ô messager d'Allah, comment un homme peut-il maudire ses propres parents ?» Il, alayhi salatu wassalam, répondit « En insultant le père d'un homme qui, à son tour, insulte son père. » Ou en insultant la mère d'un homme qui à son tour insulte sa mère. 339. Selon Abu Muhammad Jubair ibn Mut'im, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui rompt les liens du sang n'entrera pas au paradis. » Al-Bukhari et Muslim. 340. D'après Abu Isa al-Mughira ibn Shu'bah, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Allah Ta'ala vous a interdit de désobéir à vos mères, de refuser de vous acquitter de vos charges tout en réclamant ce qui ne vous revient pas de droit et d'enterrer vos filles vivantes. Allah déteste également les on-dit, que vous posiez trop de questions et le gaspillage de l'argent. » Al-Bukhari et Muslim. On pourrait aussi citer dans ce chapitre les traditions prophétiques mentionnées dans le précédent chapitre comme celles portant les numéros 315 et 323.